Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Les rapides de Boom Sissonnier ont commencé leur saison la semaine dernière et ça a quand même bien commencé. Question d'en savoir davantage sur qu'est-ce qu'on va avoir à se mettre sous la dent, les partisans des rapides. On parle avec l'instructeur-chef Luc Fortin. Salut Luc! Salut Danny! Luc, est-ce que ça va être une bonne équipe cette année du côté des rapides? C'est embêtant encore à dire, la saison est extrêmement jeune. On a rencontré seulement deux équipes, dire à date. On va en avoir deux autres, même pas une autre nouvelle ce week-end, une qu'on a déjà vue. Mais avec tout ce qui arrive maintenant dans le hockey, avec la nouvelle structure ensuite avec le hockey scolaire, ben, l'image des équipes a beaucoup changé. OK. Ça va être quoi, là, ce que tu peux dire de la force de l'équipe? C'est-tu l'offensive, l'attaque, la défensive? Ça va, en fait, tu sais pas encore? Ben, je te dirais que ça va être un peu, tu me souviens, on va avoir un bon mélange de tout là. OK. On va avoir une équipe bien balancée. J'ai 7 vétérans qui étaient là l'an dernier qui sont de retour cette année. Donc, c'est très intéressant là, pour la progression de nos jeunes, nos premières années. OK. Si on y allait maintenant avec les matchs de la semaine passée, il y a eu une victoire, sûrement. Deux matchs la semaine dernière. Ouais. Un samedi à Jonquière, puis un local le dimanche. À Mississauga, puis ça a été deux victoires. OK. Donc, ça a été une victoire facile? Non, du tout. Ça a été deux matchs extrêmement serrés. Là. Il va y avoir une bonne rivalité dans la Ligue cette année. Là, OK. Ce matin, là, la majorité des clubs bien balancés, donc avec une bonne rivalité. OK. Les Hurricanes de Massouillage, par les années passées, c'était une équipe tellement forte. Est-ce que cette année, ça va être un petit peu, ça va être plus balancé cette année? Ben, un peu à l'image de l'année dernière, là. Ouais. Ça a été une équipe, là, je pense que, de mémoire, là, ils ont quand même fini avec une fiche assez égale de victoire de fête, là. Donc, je m'attends à la même chose cette année, là. Une équipe qui va offrir une bonne rivalité, mais je pense pas, là, comme tu viens de dire, qu'il va avoir une domination, là. Okay. Comme les autres années, là. Je croirais pas. OK. Donc, en fin de semaine, vous jouez au complexe sportif du secteur de Mistassini. Vous affrontez, entre autres, vous affrontez Saint-Bruno à Saint-Bruno. Et dimanche, je pense que vous êtes ici, c'est ça? Oui, juste corriger un petit peu. Oui, ouais. C'est local dimanche, mais on va être à Normandin à 16h dimanche en fin d'après-midi. OK. Est-ce que c'est quoi? C'est pour promouvoir un peu le bantam? C'est pour faire connaître l'équipe, en fait, que vous jouez à Normandin? Écoute, le criminel pourra plus t'en dire, mais de ce que je sais, il y a eu fusion cette année, donc il ouais. Y a une partie des matchs. Mais je pense que ça existait dans les autres années aussi. Il y a un pourcentage de matchs, je me souviens pas exactement le pourcentage, mais oui, on joue à quelques reprises là, des matchs locaux là, à l'Arena de Normandie depuis quelques années. OK. Donc, évidemment, on va surveiller ça d'après aussi. Ben Luc, on va s'en parler très prochainement. Ça fait plaisir, Danny. L'instructeur-chef des rapides de Boom Sissonnier, Luc Fortin.